tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme la barquette d'un kilo de kiwi vert origine France à seulement 2,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, variété Hayward, calibre 65-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Dominique Pinon, Jean Ocotrel, Frédéric Ruchot, Noam Morgenstern. Premier épisode. Imaginez cinq hommes aux carrures terribles, accoudés à boire dans une sorte de petit logis sombre qui sent la saumure. Des couchettes creusées dans l'épaisseur de la charpente s'ouvrent comme les niches d'un caveau. La seule ouverture dans le plafond bas est fermée par un couvercle. Une Sainte Vierge en faïence est fixée sur une planchette. Elle est un peu ancienne, la patronne des marins. Mais les personnages en faïence se conservent plus longtemps que les vrais hommes. Aussi, sa robe rouge et bleue fait encore l'effet d'une petite chose très fraîche à côté de nous. On a bu du vin et du cidre. Maintenant, on peut deviser sur les questions de femmes et de mariage. Et dehors, c'est la mer et la nuit. L'infinie désolation des eaux noires et profondes. Yann ! Yann ! Ouais. Yann entre, obligé de se courber comme un ours, car il dépasse les proportions ordinaires des hommes. Sylvestre attire le géant contre lui à la façon des enfants. Il est fiancé à la sœur de Yann. Et toi, Yann, quand est-ce ferons-nous tes noces? Tu n'as pas honte. Un homme tellement grand comme tu es à 27 ans, pas marié. Mes noces à moi, je les fais à la nuit. Je les fais à l'heure. C'est selon. La dernière fois à Nantes, c'était une drôlesse qui dansait dans un alcazar. 3 semaines, elle m'a gardé chez elle. Et elle m'a même fait cadeau d'une montre en or. Et qu'est-ce que vous dites de ça, capitaine? Minuit. Elle est à l'heure. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, minuit, s'il n'y a même pas de nuit. Les manières de Yann font de la peine à Sylvestre. À 17 ans, il est un enfant vierge, élevé dans le respect des saints sacrements. 3 hommes se sont coulés pour dormir dans ces niches noires qui ressemblent à des sépulcres. Et 3 autres sont montés sur le pont reprendre le grand travail de la pêche. Yann, Sylvestre et un de leur pays, appelé Guillaume. Minuit. Et il fait jour. Éternellement. C'est une lumière pâle qui ne ressemble à rien et traîne comme des reflets de soleil mort. Autour de nous commence un vide, immense, qui n'est d'aucune couleur. L'œil saisit à peine ce qui devrait être la mer. D'abord, ça prend l'aspect d'une sorte de miroir tremblant, qui n'aurait aucune image à refléter. En se prolongeant, ça paraît devenir une plaine de brume, puis plus rien. Ça n'a ni horizon, ni contour. Le navire se balance sur place, en rendant toujours sa même plainte. Yann et Sylvestre préparent leurs hameçons et leurs lignes, tandis que j'ouvre un baril de sel et aiguise mon couteau. À peine ont-ils jeté leurs lignes, il les relève avec des poissons lourds et gris. Et toujours, toujours, les morues viennent mordre et se laisser prendre. C'est incessant, cette pêche silencieuse. Et j'éventre, j'aplatis, je sale, je compte. Et la saumure s'empile, toute ruisselante et fraîche. C'est sûr que tu devrais te marier, Yann. Avant mon départ pour le service. 5 années d'exil, tu te rends compte? Si seulement j'avais la chance de voir tes noces, j'aurais le cœur moins serré de partir. Good Mevel. Dans tout le pays de Paimpol, tu trouveras pas mieux. Et elle n'attend qu'un mot de toi. Mais tais-toi donc et viens m'aider. Un de ces jours, oui, je les ferai mes noces. Mais avec aucune des filles du pays. Non, moi, ça sera avec la mère que je les ferai. Et je vous invite tous au grand bal que je donnerai. Le navire s'appelle la Marie. Il va chaque année faire la grande pêche dangereuse dans ces régions froides où les étés n'ont plus de nuit. C'est un vieux bateau. Ses flancs épais à vertèbres de chêne sont éraillés et rugueux, mais robustes, exhalant les senteurs vivifiantes du goudron. Quant à nous, robustes aussi, nous sommes ce qu'on appelle des Islandais, des marins de Paimpol voués de père en fils à cette pêche-là. Nous ne voyons jamais l'été de France. À la fin de chaque hiver, les marins reçoivent la bénédiction des départs. Pour ce jour de fête, un reposoir est construit sur le quai. Il imite une grotte en rocher, et au milieu des trophées d'encre et de filet, trône impassible la Sainte Vierge, notre patronne, sortie pour nous de son église, regardant toujours de génération en génération, avec ses yeux sans vie, les heureux pour qui la saison sera bonne, et les autres, ceux qui ne doivent pas revenir. Chaque année, c'est le même cérémonial, les mêmes adieux. Il faut partir et laisser le pays presque vide de mari, d'amant et de fils. La fin d'août est l'époque des retours, mais l'usage est de descendre dans le golfe de Gascogne, où l'on vend bien sa pêche, et dans les îles, où l'on achète le sel pour la campagne prochaine. Dans ces ports du Midi, l'air est tiède, et se répandent pour quelques jours, volés au temps, les équipages avides de plaisir, grisés par ce lambeau d'été, par la terre ferme et par les femmes. Et puis, avec les premières brumes, on rentre au pays de Paimpol, s'occuper pour un temps de famille et d'amour, de mariage et de naissance. Presque toujours, on trouve là des petits nouveau-nés conçus l'hiver d'avant. Il faut beaucoup d'enfants à nos races de pêcheurs que l'Islande dévore. À Paimpol, ce dimanche de juin, il y avait 2 femmes très occupées à écrire une lettre. L'une avait une coiffe extrêmement grande, à la mode d'autrefois. L'autre, une toute petite, de la forme nouvelle qu'ont adoptée les paimpolaises. Celle qui dictait, la grande coiffe, releva la tête. Elle était vieille, malgré sa tournure jeunette. Mais tout à fait vieille, une grand-mère d'au moins 70 ans. Encore jolie et encore fraîche, avec les pommettes roses. Elle n'avait plus trace de dents, et quand elle riait, on voyait ses gencives rondes qui avaient un petit air de jeunesse. Malgré son menton en pointe de sabot, son profil n'était pas trop gâté par les années. On devinait qu'il avait dû être régulier et pur, comme celui des saintes des églises. Dans la mer d'Islande, par Reykjavik. Alors, à Monsieur Moine Sylvestre à bord de la Marie, capitaine Germer dans la mer d'Islande par Reykjavik. C'est-y fini, grand-mère Moine ? Elle était bien jeune, celle-ci. Adorablement jeune, une figure de 20 ans. Très blonde, couleur rare en ce coin de Bretagne où la race est brune. Dans toute sa personne, il y avait quelque chose de fier, de grave aussi un peu. Elle avait une expression à la fois obstinée et douce. Elle était la fille de Monsieur Mével, un ancien Islandais un peu forban, enrichi par des entreprises audacieuses. Cette belle chambre où la lettre venait de s'écrire était la sienne. Un lit tout neuf, à la mode des villes, avec des rideaux en mousseline, une dentelle au bord. Monsieur Mével et sa fille Marguerite vivaient dans une vraie maison de bourgeois dont les fenêtres donnaient sur cette vieille place grise de Paimpol où se tiennent les marchés et les pardons. Elle avait pourtant commencé par être une petite gaude, diminutive de Marguerite, courant pieds nus dans l'eau, n'ayant plus de mère, dépeignée, têtue, poussant vigoureuse au grand souffle âpre de la Manche. En ce temps-là, elle était recueillie l'été pendant la saison de pêche par cette pauvre grand-mère Moane qui lui donnait Sylvestre à garder. Vers 5 ou 6 ans, l'argent étant venu à son père qui s'était mis à acheter et revendre des cargaisons de navires, elle avait été emmenée par lui à Saint-Brieuc et plus tard à Paris. Alors elle était devenue une demoiselle. Tous les étés, elle revenait en Bretagne, retrouvant ses souvenirs d'autrefois et son nom de gaude. Un peu curieuse de voir ces Islandais qui n'étaient jamais là et dont chaque année quelques-uns de plus manquaient à l'appel. Entendant, partout et sans cesse, causer de cette Islande qui lui apparaissait comme un gouffre lointain. Et puis, un beau jour, elle avait été ramenée pour tout à fait au pays par un caprice de son père, qui avait voulu finir là son existence et habiter comme un bourgeois sur cette place de Paimpol. C'est fini, grand-mère Yvonne. Vous n'avez plus rien à lui dire ? Non, ma fille. Ajoute seulement le bonjour de ma part au fils Gaos. Le fils Gaos ? Yann ? Eh oui, Yann. Faut-il t'épeler son nom ? La vieille grand-mère s'en alla dès que la lettre fut relue et l'enveloppe fermée. Elle demeurait assez loin, à l'entrée du pays de Ploubalanec, dans un hameau de la côte, encore dans cette même chaumière où elle était née, où elle avait eu ses fils et ses petits-fils. En route, elle passa devant chez un vieux soupirant d'autrefois, menuisier de son état, toujours assis à sa porte, tandis que ses fils rabotaient des planches. Eh bien, la belle, quand ça donc il faudra aller te prendre mesure. C'est-il pas de la méchanceté que tu veuilles toujours me faire un costume en sapin ? Sale bête ! C'est vrai qu'elle avait peine à rire de la mort. C'est qu'elle se sentait cassée par sa vie de labeur incessant et elle songeait à son Sylvestre qui allait partir pour le service. 5 années. En Chine, peut-être. À la guerre. Une angoisse la prenait à cette pensée. Non, décidément, elle n'était pas si gaie, cette pauvre vieille. Quand elle fut rentrée, elle dit ses prières pour tous ses défunts, fils et petits-fils. Ensuite, elle pria pour son petit Sylvestre, le seul qui lui restait, et essaya de s'endormir en songeant au costume en planche. L'autre, la jeune fille, était restée assise près de sa fenêtre, regardant les reflets jaunes du couchant et les hirondelles noires. Paimpol était toujours très mort par ces longues soirées de mai. Des jeunes filles qui n'avaient seulement personne pour leur faire un peu la cour se promenaient, deux par deux, rêveuses. L'année dernière, en décembre, après une nuit de voyage, le train venant de Paris nous a déposés, mon père et moi, à Guingamp, au petit jour très froid. Quel silence après Paris. Ce train de vie tranquille, de gens d'un autre monde, allant dans la brume à leurs toutes petites affaires. Ces vieilles maisons en granit noir. Toutes ces choses bretonnes d'une tristesse si désolée. J'étais entrée dans l'église pour dire mes prières. Comme elle m'avait semblé immense, cette nef ténébreuse, avec ses piliers rudes, sa senteur de caveau, de vétusté, de salpêtre. Dans un recul profond, derrière des colonnes, une femme se tenait agenouillée sous le vide incertain des voûtes. Je retrouvais cette sorte de tristesse et d'effroi que j'éprouvais jadis, toute petite, quand on me menait à la première messe des matins d'hiver. À Paris, je me sentais une étrangère. Les Parisiennes, c'étaient ces femmes dont la taille mince avait au rein une cambrure artificielle et qui connaissaient une manière à part de se trémousser dans des gaines baleinées. Avec mes coiffes, commandées à la faiseuse de Paimpol, je ne savais jamais, quand on se retournait sur moi, si c'était parce que j'étais charmante ou ridicule. Mais ce jour d'arrivée, j'ai été surprise d'une façon pénible par l'âpreté de cette Bretagne en plein hiver. Et la pensée qu'il allait falloir s'enfouir encore beaucoup plus avant dans ce pays morne m'a inquiétée, comme une oppression. Il a fallu voyager dans une vieille petite diligence crevassée, ouverte à tous les vents. Passer à la nuit tombante dans des villages tristes, sous des fantômes d'arbres. Bientôt, il a fallu allumer les lanternes. Alors on n'a plus rien vu, que deux traînées vertes qui semblaient courir de chaque côté en avant des chevaux. Comment ? Tout à coup cette verdure si verte en décembre ? As-tu oublié, Marguerite ? Les ajoncs ! Nos éternels ajoncs marins qui ne jaunissent jamais au pays du Paimpol. Même en hiver. Mais j'y pense. Puisque nous sommes en hiver, je vais enfin aller voir les beaux pêcheurs d'Islande. C'était Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Goud, Nicolas Struve, Yann, Dominique Pinon, Guillaume, Jean Ocotrel, le capitaine, Frédéric Ruchot, Grand-mère Yvonne, Noam Morgenstern, Sylvestre Mohan. Et les voix de François Gamard, Daniel Léger. Musique, Arvo Part, Guy Repartz. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation, Annabelle Brouard, Étienne Vallès.